Le journal népalais Tsurutsan a inséré l'article de son rédacteur en chef félicitant la réussite coréenne au lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale avec la photo du dirigeant suprême Kim Jong-un.